إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس بيغا خامني موي درس التوحيد داني كوي عمل تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي مانغا دون ليرال لو ام سولو مانغوك موي نك فقه غو خامني فقه بو دقيق لا والله المستعان داخ برينا غاي جيس اي شروحات تي اصول الثلاثه مي دو تي مانا جيس استنباطات ييغا خامني الشيخ صالح دفنكو تي مانغوك اي استنباطات يو دقيقه والله المستعان yu bari na am deug la téré bi yahu téré bi dafa leer yahu téré bi rek dafa leer mais nak yahu téré bi dafa ëmb ci suufam ay masail yu am solo ay masail yu reuy ay masail yo xamanteni ni dafa fondamental pour ki nga xamni moy muskalaf mu dopt ko mu xam ko ngok ab muskalaf war to rombu usulu salasa té taxawul ci masala yoyu, c'est très important, lolou lu jara baye xel mango bu ko defé bokku na ci lolé junju go xamni junjon nako yahutere bi ca gannaaw ba mu né yalla moy sama borom mu tek ci mu né wa huwa ma'budi ngir won la deug jik borom borom ki nga xamanteni moy seigneur li nga xamanteni mom mo war ay sujet li nga xamni mo war ay esclavam li nga xamanteni mo war ay jaamam li nga xamanteni ni mom mo war ñimu bind c'est très important mango muy lan muy lolu ñuy wowe relation bi nek digeunte borom bi ak jaamam sa borom moy ki la bind moy ki la amal moy ki lay wërsegal lolou moy li joge ci sa borom di ñew ba paré sa borom mo la sante nga jaamuko ndax da la bind ngir lolou ay wa légui nak li joge ci yaw nak moy lan moy jaamu gogou yak nga deggal ko mangok dadi ci taxaw nek ci jaamu ga diko jaamu jaamu go xamanteni ni day sel bu teggu ci ikhlas mangok kon gis nga relation bobu moy relation li joge ci sa borom di ñew ci yow ak li joge ci yow di dem ci sa borom legi nak ci digënté bi fofu amna fi ay agresseur ay coupeur de route mangok ay coupeur de route ño xamanteni ni dañuy dag jema dox digënté bobu dag ko ñen ñi dañuy jëma installé wu ci li joggé ci suñu borom di ñëw ci jaamam ñu samp seen bop ci né ñom ñoy wërsegal jaam yi ñom ñoy yor seen wërsegal ngay dégg fi ñu naan la ku bëgg sa wërseg tijéeku ñëwal ñëwal fi bo sété diiw sa wërseg nangam ak nangam ak nangam sa wër gi yaram nangam ak nangam sa avenir nangam ñoñu c'est des agresseurs c'est des coupeurs de route c'est des bandits de grand chemin banditisme dafa am ay forme mangok dafa am ay forme dafa am banditisme bo xamanteni ni agression yi muy perpéter c'est physique mais dafa am ño xamni sen agression c'est psychologique c'est spirituel ñoo ñoo gëna grawé ñoo ñoo gëna grawé parce que ki ñew agresser la spirituellement kooku dafa yàq sa àdduna ak sa alaxir. Mais ki ñëw agressé la physiquement, kooku sa àdduna kese lay jéem a yàq. Donc y a une grande différence. Mais nag boo xoolee tey système yi fi nekk muy système politique, ay démocratie ay communisme ak ay capitalisme, ay système la yoo xamante ni sóoraale wuñu li nga xamante ni nii moom mooy li nekk lu interne ci organisme doomu aadama, sóoraale wuñ ko, muy ruux. Ñoom dañ koo renier, dañ koo renier. Ñemewuñ ko wax nag, ñemewuñ nag naan doomu aadama amul âme, ñemewuñ ko wax de, parce que suñ ko waxee nit ñi ne leen wéru leen. Seen philosophie bi ngeen di woote yëpp, bi ngeen doon woote yëpp feeñ na ni lii moom wax dëgg yàlla ak wéredi la, xam nañ ko. Am na baat yoo xam ne suñ ko utilisé rek nit ñi taxé leen de folie, ñoom xam nañ ko, ils le savent très bien. Léegi nag dañuy jéem a nëbëtu. Naan la non, la religion c'est l'opium du peuple. Gis nga, ma ngoo dañuy jéem a nëbëtu. Gis nga, ok d' accord. Léegi su fekkee la religion c'est l'opium du peuple, léegi ñoom ñu wëlbatiku di bay opium, ñoom ñu wëlbatiku di consommer opium, ñoom ñu wëlbati di consommer drogue, ay cannabis, ay hashish di ko consommer, drogue diir yi di ko consommer, ba pare ñu ne la religion c'est l'opium du peuple. Gis nga contradiction bi, ñooñu c'est des agresseurs. Gis nga, mais aussi am na ñoo xam ne duñu ay agresseurs mais ils détournent. Xam nga léegi-léegi nga dégg ñu naan détournement de fonds, ñu ne nit dañ koo tëj parce que lan dafa détourner des fonds. Am na ñoo xam ne il détourne. Le détournement bi fan lay nekkee? Mi ngi nekkee ci li jaam bi war a defal mu jëm ci boroomam te muy jaamu ko. Am na ñoo xam ne dañ koy détourner, envoyé ko vers d' autres wala ñu associé ci d' autres, loolu détournement la. Mais nag xam nga ñun li ñu gën a miin mooy détournement physique, ñu ne détourner na xaalis bi. Gis nga, détourné na xaalisu mairie bi kon dañ koy tëj, wala këpp na caisse gi nangam ak nangam ak nangam. Mais bu fekkee c' est au niveau spirituel nag boobu moo gën a garaaw, parce que yow soo détourné yàqal nga sa bopp àdduna ak alaxira. Mais ki détourné xaalis bi kooku àdduna bi rek la yàqam yam. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la, il faut loolu nit ñi yeewu ci. Mais nag ñi nga xamante ni dañoo bëgg a def, maanaam dañoo bëgg a coloniser àdduna bi d'une manière, bu leen yaakaar ni colonisation dafa jeex, bu ngeen jàppee ni colonisation dafa jeex, ça veut dire que yéen comprendre leen dara géopolitiquement, comprendre leen li xew ci àdduna bi. Te ñoom si loolu la ñuy jéem a pousse. Bu ngeen gisee tey ñu jël ay football ay basket jox ko yenn ampleur yi pour lan la? Pour ngeen bañ a occupé wu ci li xew ci àdduna bi la. Bu ko defee ñoom ñu nëbëtu fële di xool ban dëkk lañ war a organiser des guerres, ban dëkk lañ war a organiser terrorisme bi, fan lañ ko war a placé. Maanaam ñoom dañoo toog ci tiim li nga xamante ni nii mooy damier, dañoo toog tiim plateau damier, ñoom ñooy pouspion yi. Gis nga rébellion fan lañ ko war a def, coup d'état fan lañ ko war a def, terrorisme fan lañ ko war a def. Est ce que gis nga zone yañ koy def, ñoom ñooy toog ci table di ko calculer, di pouspion yi di def, di pousse di doxal. Ñooñu dañoo bëgg a contrôler àdduna bi. Léegi ñooñu nag bugguñu nit ñi am benn ouverture spirituelle, parce que boo amee ouverture spirituelle sa digganteeg sa borom da ngay nekk un éveillé, da ngay yeewu. Est ce que gis nga ma ngoo. Léegi nag éveil boobu bugguñu nit ñi atteindre ko, parce que nit ki bu éveillé kenn du ko mën a manipuler, kenn du ko mën a contrôler. Gis nga loolu? Gis nga boo atteindre l'éveil spirituel kenn du la mën a manipuler, kenn du la mën a contrôler. Léegi nag loolu moo tax dañuy essayé indi ay xeetu drogue. Xam nga ñoom dañ ne woon diina mooy l'opium du peuple, mais gis nga ñoom indi nañ ay xeetu drogue, ay drogue yoo xamante ni dafay ñëw droguer sa âme. La musique en fait partie, le football actuel gis nga, ak yeneen xeetu dox xoolal affaire lu jëm ci caaxaan tey, xoola ampleur biñ ko jox. Ok, damay joxe benn misaal bu terre à terre. Culture buñ ko waxee sa xel ci lan lay dem? Ok, Sénégal réew lan la? Dèjà Sénégal sax kenn xamul réew lan la, parce que Sénégal boo nee réew julin la. Yàlla ma yàlla jéggal, yàlla ma yàlla jéggal quoi. Gis nga julin ñi nag ñoo fi ëpp, allahul musta'an. Mais boo nee réew julin la nga dégg am ñu jóg ne la non non, l' état est laïque, la république est laïque. Maanaam yow dootoo xam, dootoo xam où donner de la tête, yow dootoo xam foo jëm. réew mi réewum juddi la 95% kenn kee génn fee ne la déedéet. Waaw réew mi du état bi lay dafa layik état bi nangam ak nangam doo comprendre dèjà loolu problème la xeetu drogue la xeetu manipulation la est ce que gis nga loolu mi ngi tegu ci sa système système bu terre à terre mooy divisé pour régner séddale nit ñi taxim nit ñi gis nga ma ngoo foofu la tegu ci principe bu terre à terre ay maanaam gars yi xoolam ay points yu simple yu ndaw la ñuy utiliser sunu kaw di ñu manipuler pour dominer ñu nag li leen gën a jaaxal mooy diine islam ñoom xam nañ ni yeneen yi du diina ñoom xam nañ ko xam nañ ko ñoom ñoo la gën a xam ni lële du diina diina mënta nekk diina boo xam ni day ñëw di jaamu ay estati ñoom xam nañ ni lu am jaamu estati du diina xam nañ ko bu baax dégg ko ma ngoog ñoom xam nañ ni diina joo xam ne yàlla ji daa am doom xam nañ ni du diina ñoom ñoo ko gën a xam xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax a baax kon lay diine ju wér te muy islam loolu moo leen jaaxal léegi nag loolu la ñuy xool nag nuñ ko xeexee xeexin woo xamante ni nii day nëbb ma ngoog loolu la ñuy xool nuñ ko xeexee parce que yàgg nañoo jàmmarloo ak islam ci jàmmarloo boo xam ni épreuve de force la xeexu doole te demut taxut ñu mën a noot islam taxut ñu mën a noot jullit ñi ñu gis ne kon wax dëgg xeex bi beneen anam la waaw nañu fexe attaqué li nga xam ni mooy fuwaawu jullit ñi ñu fexe lancé ci li ñuy tuddee ay shubahat mooy ay lënt-lënt aussi lancé ci li nga xam ni mooy shubahat mooy bànneex yooyee nga xam ni ay mooy yàlla la par exemple xoola sunu réew mi 24 ak 31 bu jotee jullit ñi ñoo ciy génne ay cassette yu bees wala ñi ko moom ñi ko moom doo leen dégg sax n' est ce pas doo leen dégg de jullit ñi ngay dégg ñoom ñooy tëgg gis nga le 24 décembre soirée au nangam le kii sortie de la nouvelle album 31 décembre nangam gis nga xoolal loolu loolu dañoo jékki-jékki rek nekk fi da maanaam dañoo jékki-jékki rek toll ci stade boobu non loolu ça a été préparé minutieusement sénégalais yi fii lañ leen bëgg a yóbbu ñu léegi liggéey loolu génnee tous les moyens pour àggaleel foofu gis nga pour ñu mën a àgg foofu gis nga quitte à ce que ñu dem ci ay dëkk yu sori dëkk yoo xam ne dañoo mandi ci caaxaan ak fo ñu jël ñooñu indi leen dugal leen ci biir société bi jaxase leen ndànk ci biir société bi te duñ ko yëg est ce que gis nga ma ngoog jaxasoo boobu nag ñu tuddee ko beneen tour boo xamante ni nii la ca kaw àjjana la mais la ca biir safara tour yi ñu lay jox yépp loolu la tour yi ñuy génnee teg ko yépp la ca kaw àjjana la mais la ca biir safara la loolu mooy seen doxalin pour lan pour mën a jekku islam gis nga lëndëmal islam lëndëmal ko ci kanamu di kanamu jullit gis nga ma ngoog boo xoolee at yu mujj yi depuis l'an 2000 wala juste avant l'an 2000 ba fi ñu toll nii tey gis nga ko lañu gën a mën a jël tey pour xew islam mooy ragal la peur ñu créer le terrorisme gis nga créer le terrorisme ma ngoog loolu nag jékki-jékki wuñu rek créer ko en l'an 2000 déedéet dañ ko yàgg préparé dañ ko yàgg préparé maanaam essayer installer ay poches de tension yoo xam ni jullit ñi dañ fay nekk minorité ñu dominer leen loolu jubluwaay bi mooy lan fi jullit ñi nekk majorité ñu dem installer fa insécurité ndax jullit ñi fi ñu nekk minorité bu ñu leen fay xoqatal di leen sonal jeneen jullit ñi seen ngëm day yëngatu seen yëg-yëg day yëngatu parce que innamal mu'minuna ikhwa al muslim akul muslim jullit ay mbokam ki nekk Palestine ñu koy bund xatal mais day naqari sa xol du la neex ki nekk Chine ñu tëj ko ci ay camp de concentration du la neex xam nga da lay naqari gis nga yooyu yëpp yooyu noonu ce sont les premières pierres pour construire le terrorisme mooy premier socle yi ñuy tabaxee le terrorisme chaque jour nga dégg ci média yi Israël Palestine bombardement bim bim xam nga fan yee passé jëloon nañ les Rohingya léegi nii gis nga Chine lañ jël à chaque fois loolu la pour lan gis nañ ni terrorisme bi dafa fructueux parce que ça produit de l'argent non seulement ça permet da fay permettre pour lendemal islam mais aussi ça produit de l'argent dégâté le terrorisme c'est du business ça produit de l'argent c'est du business du problème diina dé c'est du business mais armée fi nékkon kenn mënu ko jaay am nga day jéggi jéggi défar arme tok ba ci yagg armée mënu ñu ko jaay ñu ñu def ñu dem xol yeen dëkk yi nga xamni am nañ pétrole jëm leena xam nga ki yoy gaay jënd ci armée mais légui lolu xawatul jall nonu yoon bobu doxatul bu baax légui ñu ñi def mais dañuy créer besoin dañuy créer situation bo xam nit ñi dañuy am besoin wu utiliser arme besoin wu utiliser arme day nekk deux côtés moy comme niñ doon def rek ci rébellion ñom ñoy ñew armée rébellion yi financer len ñew ci état ki nekk au pouvoir tamit ñu financer ko doole bu ko défé gaay di xéxanté di rayanté munitions yi di gaay di consommer munitions nit ñi di dé ñom seen yoon nekku ci yaagi dé nañ consommer munitions bi rek nga dégg dégg ñu né waaw dañuy signer un traité de paix entre rebelles et nangam gis nga parti au pouvoir xola Côte d'Ivoire ni ko def barki dem xola Côte d'Ivoire ni ko def barki dem bañ fa joggé ci seen xex bobu lan la jour après Côte d'Ivoire lan la jour après africains duñu poser wu ces questions là parce que africains yi seen problème moy lan seen problème xam nga moy lan dañ leena duggal ci ben créneau bo xamanteni ni nit mënu ci nek di xalaat mënul nek parce que tellement drogue yi leen di door dafa dur c'est des drogues dures des drogues chimiques lañ leen di feug do xalaat ci lan ci leunt leunt ak banex gis nga mangok dañ lay xoy buntu banex gis nga do tala tok jël ay leçon ci li xewon Côte d'Ivoire lan motax Afrique xolal ce sont les mêmes événements qui se répètent RDC la won avant gis nga Côte d'Ivoire Libye Mali ce sont les mêmes scènes les mêmes scénarios qui se répètent lutax parce que amul ben deuk Afrique bo xamni tok na jël temps pour réfléchir sur li xew ci voisins amul gis nga ce sont les mêmes scénarios c'est le même gars qui écrit les scénarios ce sont les mêmes acteurs qui montent sur scène kagn lañu xalat sunu occupation xam nga lan la ventre plein négro content gis nga ma nga ñu dolli ñu ci yépp ci mbiru plaisir ñu dolli ñu ci ay xéetu occupation yu doyadi manam dafa doyadi ni ci gisine mais doyadi lu le parce que ça produit des milliards ñom ñoy dem seen dëkk ñew seen xéetu tissi tuddé ko ay tissi africain dég nga li ma wax seen dëkk seen usine ñoy produire tissi yu ñuy sol ñun biñu nek xalé da nga gis ay tisserand le tisserand da nga gis ay tisserand yo xamanteni da nañ defar ay sœur lutax ñun loolu duñ ko sol lutax loolu ñun développé wuñ ko pourtant loolu loxo lañ ko daan defé suñu technocrate suñu intellectuel yi jiriñ ban depuis 1960 bari amuñu benn intellectuel wala benn borom xam xam ñaata ni ñoo genn dem jangi europe ñi dem mais que faites-vous là-bas man c'est ce que je me demande gars yi genn dem États-Unis c'est pour porter des costumes pour monter dans l'avion uniquement c'est pas la peine de sortir de ce pays que faites-vous là-bas lu ngeen fay def mais da ngeen dem pour jangi xam xam mais le problème avec gars yi faut buñ fa démé aussi dañ fay fekk yeneen mbir yo xamni mom lañ leen di feug buñ ñëwaaté moy lool dañuy nekk sax ambassadeur ñooñu contre sen dëkk c'est ça le danger mais depuis 1960 ba légui xolal seru amna ñu ko la seru jago ñan ñokay defarati legi mais dañ ko daan defal ak loxo da daan bari ci mbedd yi bi ñekkee xale mais loolu waroon nañ ko mën a développer activité la bo xoolal tey ñun problème mu solu Sénégal ñu amee problème mu solu ay ganila ay jeznaire jeznaire c'est un mot sénégalais c'est un mot sénégalais ay basinris suisse basinris allemagne dunkunk yow c'est des mots étrangers te tey boo solul loolu ñu ne solu woo kii amul dara kii il est pauvre gis nga salaam lii mooy lenn rek lenn lu ndaw ci sunu réalité est ce que gis nga yow lan ngay puukare wu li nga xam ni usine jàmbur moo koy produire li nga xam ni ça fait rentrer des milliards ci dëkku jàmbur moom ngay tiitaroo ba pare doo ci ñaw lu yam de lu la doy non non grand bubu nga ci grand bubu grand lu tax grand bubu mais grand bubu moo wu olof la grand bubu c'est un mot tubaab tubaab bi ñoo ñu ko indil forcé ñu ko lu tax ñoom duñ ko sol pourquoi eux ils ne portent pas des grands bubu eux ils portent des petits bubu léegi ñun nag ñu porté loo ñu des grands bubu pour que la pour que ñu génnee plus d' argent pour acheter ce grand bubu là ils sont très malins gars yi dañuy liggéey mais ñun nag ñun ñoo topp ci football bee ko seetaan gis nga dañoo ñu dañu toll foo xam ne maanaam doo comprendre topp ci football beeg làmb gi mbëre bee yu caaxaan yooyu ñun ci lañ topp di ko jéem a développé naan waaw dañoo war a développé suñu art dañoo war a développé suñu culture bëre mooy suñu culture bëre ah non attends mbokk yi dañuy teg foofu suñu baaraam dafa doy war dafa yéeme loolu lépp pour nga gis fi ñu yeew li ñuy doxal plan yi ñuy teg lépp jubluwaay bi mooy lan delloo ginnaaw diine l'islam attaquer diine islam sur front yépp pour mu bañ a développé pour mu ña dem xoola njàngu diine ni mu delloo ginnaaw xoola ñu koy jàngale ay taalibe lañ leen di jàppeeg ay ñoo xam dañ leen di sarax di leen doye di leen xeebantal di leen soofental loolu aussi mu produire ay xeetu arabisan yoo xam ne ñoom aussi dañ naan non ñun tam dañoo war a bokk dañuy bokk ci see bi quoi allahul mustaan tax ñoom it ñu bàyyi seen ànd mais boo bàyyee sa ànd ànd boo dem fekk fa borom yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala sàmm wallahul mustaan defal ñu tawfiq defal ñu aafiya yeeñu defal ñu yeewu diina defal ñu yeewu àdduna fi aafiya asalaamu aleykum wa rahmatullah.